Merry Christmas. Studek Web. Studek Web, il est 14h. Bon début d'après-midi à tous. Le Père Noël en Alaska. Le Père Noël sur un chapeau. Coucou la compagnie, c'est la voix de Siri qui vous parle. Les producteurs n'avaient pas le Père Noël sous la main. Donc c'est juste pour vous dire que le coup de boost passe en mode Noël. Bisous tout plein de chocolat. Allez, faut se lever, c'est l'heure du coup de boost. Le deuxième réveil de la journée. De 14h à 15h sur Studek Web. Joyeux Noël. Bonjour à tous, vous êtes bien sur Studek Web. C'est le coup de boost de 14h à 15h. Et comme vous l'avez compris, je crois que c'est Noël, hein. Et il y a Julien qui est en train de bouffer des gâteaux. Alors ça y est, on est. Alors ça a commencé l'émission. Ouais. Julien, oui. Julien qui avait... C'est Caro qui nous a offert les cahiers. C'est super bon. Bah oui, tu l'as pas bon, vu. Bonjour au moins. Bonjour. Bonjour. Il y a Caro bonjour aussi. Bonjour à tous. Tu l'as pas vu, Pierre, mais j'ai offert des gâteaux de Noël. Et oui, tu nous as offert des gâteaux de Noël, oui, bah juste avant. C'est super gentil. Et on va pouvoir manger ça, mais pas pendant qu'on fait l'émission. Super bon. Bon, comme vous l'avez compris, effectivement, c'est Noël. Et justement, eh ben c'est Noël, c'est l'heure des chants de Noël. Ouais, c'est un remix des Mignons. C'est un remix des Mignons parce que j'en ai marre, moi, de Maria Carey, tu sais. Oh là, you want for a Christmas, y en a marre. Alors, c'est quoi, il y a des chants de Noël, moi, j'en peux plus. C'est quoi votre chant de Noël que vous en pouvez plus? Vous en pouvez plus, non, Julien. Alors, moi, je viens d'Alsace, donc j'ai connu un peu les chants un petit peu germaniques. Moi, c'est plutôt ça. C'est vrai que c'est horrible. C'est trop bien. Ça s'appelle Kling, Glutching, Glini, Glini. C'est quoi ça? En gros, ça veut dire la cloche sonne, en fait. Oh, merde. C'est super chaud. Moi, horrible. J'adore. Horrible. Deux secondes, moi, ça m'a déjà saoulé. Caro, c'est quoi, toi? Bah, moi, j'adore les chants de Noël, donc c'est difficile d'en choisir un, mais celui où, genre, vraiment, j'en peux plus, c'est Wham de Last Christmas. Ah, oui. Last Christmas. J'en peux plus, mais tu chantes. Bah, non, mais parce que je l'adore. Je l'adore, mais elle est triste, je trouve. Ouais, c'est sûr. Non, mais c'est insupportable. Bon, justement, c'est Noël. Et j'ai trouvé un petit sondage. 50% des Français avaient fini l'achat de leur cadeau de Noël. Ça va faire le 12 du jour. Tu sais qui est-ce qui m'a téléphoné hier? C'est pas vrai. C'est Jean-Louis. C'est pas vrai. Oh, la fofolle. Catherine Jablasi. Moi, un certain âge. Bon, ça va. Belle plante blonde. Ah ouais, mais c'est trop bien, quoi. Le 12 du jour sur Studek Web. Et oui, donc le dos du jour, comme je vous ai dit, j'ai trouvé un sondage. 50% des Français avaient fini l'achat de leur cadeau de Noël avant le 1er décembre. Donc il y en a qui sont prévoyants. La moitié des Français sont prévoyants. Mais c'est parce qu'après, ils devaient aller sur les ronds-points, les gilets jaunes, les week-ends. Donc du coup, voilà. Et j'ai trouvé, donc ça veut dire que 50% des Français sont à la bourre. Et 11% n'ont pas encore commencé quelques jours avant Noël. Ça, c'était les gens bloqués par les gilets jaunes. Moi, je suis dans les 11%. Ouais, voilà. Ça et donc du coup c'est la question du jour. Est-ce que vous faites partie des 50% hyper en avance ou de l'autre moitié complètement en retard? Donc hashtag CDB pour réagir sur la page Facebook de Studek Web. Racontez-nous votre moment de où vous êtes allé acheter un cadeau, que vous soyez à la bourre ou en avance. Vous êtes plus à la bourre, en avance? Bah, à ton avis, je pense que ça paraît une évidence. Julien à la bourre, okay. Caro en avance. Comment tu sais? C'est sûr. Et bah écoute, on saura ça tout à l'heure. On va en parler. Il y aura la météo et le post-it juste après Clean Bandit sur Studek Web. Every single night I lose it. I can't even hear the music without you. solo. Sur Studekweb, vous êtes toujours dans le coup de boost jusqu'à 15h et je vous en parlais tout à l'heure. J'ai trouvé un sondage, 50% des Français avaient fini leurs achats de Noël cette année avant le 1er décembre. Donc il y a deux teams, 50% je suis en retard, 50% je suis grave en avance. Ici on a les deux teams aussi autour de la table, avec Caro qui est super en avance. Alors cette année, bah j'ai tout fini. Là ça y est, là tous mes cadeaux sont prêts, ils sont sous mon lit, ils attendent que les gens. C'est voilà. Parfait. Et Julien, t'es en retard. Ouais, bah moi déjà le temps que je sache à qui faut offrir des cadeaux, qu'est-ce que je vais offrir, bah, je pense que ça va tomber un dimanche. Alors dites-nous vous aussi quel team vous êtes. Est-ce que vous faites partie des 50% hyper en avance ou de l'autre moitié qui est en retard, hashtag CDB, pour réagir sur la page Facebook de Studekweb. Et la météo avec Julien, bah c'est maintenant. Ouais, alors cet après-midi vous profitez d'un plein soleil si vous êtes dans le sud et dans la France. Partout ailleurs il y aura toujours au mieux un nuage par-ci par-là et au pire de la pluie de la Normandie jusqu'en Franche-Comté. Côté température, il fait actuellement 6 degrés à Metz, 7 degrés à Strasbourg et à Gap, 9 à Paris, 12 à Brest, 13 à Bordeaux et jusqu'à 15 à Bastia. Pour ce soir on aura de 3 degrés à Annecy et Lille et au maximum 10 degrés à Perpignan. Et les tendances de demain, mis à part pas mal de nuages dans la région de Reims, on savourera le soleil dans toute la France. Et ce, du matin jusqu'au soir. Le mercure sera toujours aussi agréable en début de journée. Il fera 2 degrés à Auxerre et jusqu'à 11 degrés à Ajaccio pour les maximales. Et dans l'après-midi, du soleil vraiment partout, sauf à Strasbourg et région alsacienne, où on aura 5 degrés et il fera 6 degrés à Dunkerque, 7 à Paris, 10 à Angers, 11 à Pau et 14 à Nice. Oh mince, j'ai encore oublié la mort de Louis XVI. Ah, mais je t'avais dit de noter. Le post-it sur Studekweb. Et il est maintenant l'heure de souffler les bougies, parce que si vous êtes né un 10 décembre, sachez que vous êtes né, que vous fêtez votre anniversaire en même temps que Brian Bolko. C'est qui? Eh ben Brian Bolko. Trop au courant. Chips. C'est le chanteur du groupe musical Placebo. Ah, ça tombe bien, en plus c'est l'anniversaire aussi d'une autre chanteuse, Raven Simonet. Et oui, si vous êtes comme moi, vous avez sûrement grandi avec elle sans le savoir, et vous êtes fan de cette femme, puisque c'est une des chanteuses des Cheetah Girls, mais c'est aussi et surtout l'héroïne principale de la série Phénomène Raven. Oh mon dieu, je connais pas. C'est moi. C'est un truc de fille, ça. Non, c'est de vieille fille même. Non. C'est à l'époque, c'était à l'époque. Alors, je veux dire. Déjà, les filles et les garçons, ça n'existe pas, les séries de filles et de garçons, déjà. Et puis, tout le monde était fan. Moi, perso, ce générique qui se termine par Ouais, c'est moi, ça a fait toute mon adolescence. Pour moi, ce qui a surtout fait mon adolescence, c'est Harry Potter. Hein, c'est l'anniversaire de l'un de ses acteurs. Et oui, et on souhaite un joyeux anniversaire à Kenneth Branagh, qui fête ses 57 ans. Un acteur que vous avez aussi dû voir dans Good Morning England ou le film Dunkerque, notamment. Mais le plus important, il joue quoi dans Harry Potter? T'en demandes beaucoup là. Ouais, t'as un... Parce que, les gars, il faut retenir une chose. Le plus important, ça reste votre anniversaire à vous qui nous écoutez. Nous te souhaitons un joyeux anniversaire. Si vous êtes né un 10 décembre, joyeux anniversaire à vous. Depuis ce matin, on reçoit beaucoup de messages, énormément. On y répond avec le hashtag Studekweb. Et on a reçu notamment un message de Julien, toute jeune prof d'histoire, qui fête ses 27 ans aujourd'hui. Du coup, on fait honneur à Julie. Allez, on fait honneur à Julie et on fait un petit point histoire maintenant. C'est parti. Beaucoup de prix Nobel ont été décernés un 10 décembre. Prix Nobel de la physique, prix Nobel de la paix. Et oui, puisque ces prix ont été créés le 10 décembre 1901, suivant les dernières volontés d'Alfred Nobel. Et côté histoire aussi, c'est le 10 décembre 1913 que la Joconde est retrouvée 2 ans après avoir été volée au musée du Louvre. Et oui, et pour la petite anecdote, il faut savoir qu'un jour, un homme a réussi à voler la Joconde en la cachant sous son manteau. T'es pas sérieuse? Mais j'y vais de suite. C'est pas vrai. je t'assure, pardon. Mais je pense que tu peux plus le faire. Mais je trouve cette histoire plutôt drôle. Après, je vous rappelle que vous pouvez toujours y aller, vous qui nous nous écoutez, parce que je vous donne un petit conseil. Si vous savez, si vous savez pas quoi faire un jour et que vous avez moins de 26 ans, je vous rappelle que le Louvre, il est gratuit pour vous et je vous conseille particulièrement d'y aller le mercredi, vendredi soir, c'est nocturne. Voilà, c'est mon petit conseil du jour. Ok, petit go to the England now. Yes. Puisque le 10 décembre 1993, c'est le premier voyage officiel du train reliant la France et le Royaume-Uni sous la Manche. Et surtout, le 10 décembre 1948, c'est l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme par l'ONU. Et oui, et le 10 décembre est même devenu la journée mondiale des droits de l'homme. Et aussi la journée internationale par les droits des animaux. Causalité, pour les droits des animaux, plutôt. Causalité, je ne sais pas. Je pense qu'on va terminer là-dessus. En n'oubliant pas, évidemment, de souhaiter une bonne fête aux Eulalie et aux Romaric. Ah là, clairement, on n'a pas de célébrité. Hein. Bah, je pense que vous êtes unique avec ces prénoms-là, on va pas se mentir. Eh ben, merci, Caro Jean. On en apprend des choses dans cette émission, c'est fou. Dans quelques minutes, il y a le teasing, il y a les infos inutiles qui arrivent. Donc, on va se battre pour savoir qui a la pire info inutile après Thérapie Taxi. Avant que ça commence, je préfère te prévenir. On n'a aucune chance, on n'a pas d'avenir. Sur la table, au moins t'es fixé. Pas de faux départ, de cœur agité. Sur le bord de la route, je veux pas m'engager. J'ai toujours fait du doute, la seule vérité. Et quand viendra mon tour, j'aurais jamais cru décimer l'amour avant de l'avoir vu. Et quand je serre Joula contre mon corps, j'ai des regrets. Tout ne passera pas dans le bas sombre et les soirées. Mais tu sais, Joula, tous les refrains à la radio. Part du cœur, c'est des mensonges pour les idiots. Mais tout d'un coup, entre nous, j'aimerais que tout soit doux. Que la magie du love opère et que notre aventure soit la dernière. Que la magie du love opère et que tu sois le plus beau sur la terre. Arrivé comme dans les séries, mais danser des slow avec toi tout l'été. Que la magie du love opère et que notre aventure soit la dernière. Pas pour moi, je connais ce petit jeu. J'ai pas l'air comme ça, mais je sais ce que je veux. On est bien d'accord, je vais pas m'attacher. Juste crier encore après tes fessées. Je vais pouvoir me dire que je suis pas trop conne. Que j'ai bien fait de jouir sans qu'on s'abandonne. Et quand viendra mon tour, j'y aurais jamais cru. Décimer l'amour avant de l'avoir vu. Et quand je serre Joula contre mon corps, j'ai des regrets. Tout ne passera pas dans les bars sombres et les soirées. Joula, tous les refrains à la radio. Si je parle du cœur, c'est des mensonges pour les idiots. Mais tout d'un coup, entre nous, j'aimerais que tout soit doux. Que la magie du love opère et que notre aventure soit la dernière. Que la magie du love opère et que tu sois le plus beau sur la terre. À rigoler comme dans les séries, mais danser des slow avec toi tout l'été. Que la magie du love opère et que notre aventure soit la dernière. Mais tu sais, Joula, tous les refrains à la radio. S'ils parlent du cœur, c'est des mensonges pour les idiots. Mais tu sais, Joula, tous les refrains à la radio. S'ils parlent du cœur, c'est des mensonges pour les idiots. Que la magie du love opère et que notre aventure soit la dernière. Que la magie du love opère et que tu sois le plus beau sur la terre. À rigoler comme dans les séries, mais danser des slow avec toi tout l'été. Que la magie du love opère et que notre aventure soit la dernière. Et quand je serre Joula contre mon corps, j'ai des regrets. Passera pas dans le garçon et les soirées. Et tu sais, tu l'as, tu les refrains à la radio. S'il part du cœur, c'est des mensonges pour les idiots. Thérapie Taxi à l'instant sur Sudekweb. Et Thérapie Taxi, on adore hein, ça, Thérapie Taxi, tous leurs titres qui font ça cartonne. Et ils seront au festival Garo Rock de Marmande en 2019, ça vient de tomber. Donc on les retrouvera là-bas en 2019. Et maintenant c'est l'heure de se battre. Ah, j'adore ça. Et oui, c'est l'heure de se battre puisque c'est les infos inutiles. Qui aura la meilleure info inutile aujourd'hui? Julien, Caro ou moi? C'est l'heure et on va commencer avec qui? On va commencer avec... Allez, on va commencer avec Caro. Eh ben moi, mon info inutile, c'est une question déjà. Est-ce que vous savez pourquoi la statue de la Liberté est verte? Oui. Ouais, je sais aussi, j'avoue que je sais. Mais je vais bon, te laisser, on te laisse, voilà, c'est... Genre, je suis sûre que vous savez pas, mais vous faites semblant de savoir. Je vous connais, vous faites semblant de savoir. En fait, vous saviez sûrement pas, mais en réalité, la statue de la Liberté, Statue of Liberty, est recouverte de cuivre, ce qui fait qu'elle était rouge ou brun à l'origine. C'est ça, c'est ça. Et en fait, avec... Mais vous êtes vraiment des mythos. Non, j'ai un peu de culture, vas-y, continue. Et en fait, avec le temps, le cuivre s'est oxydé et une couche de vert de gris est apparue dessus. En fait, on croit tous qu'elle a été peinte, pour non, ceux qui non, savaient. Tu crois, tu crois. Ah, tu croyais. Mais c'est pas mal. En fait, cette couche d'oxydation fait qu'elle est verte aujourd'hui. Mais vous êtes des menteurs parce que moi, personnellement, j'ai trouvé cette info hyper intéressante parce qu'elle est un peu inutile. Mais moi, je le savais pas. Très bien. Eh bien, merci, Caro. Vous êtes des mythos. On va passer à moi pour regarder Julien pour une fois. On garde Julien pour la fin pour une fois. Moi, je vais vous donner un petit cours d'histoire. Oui. Un petit. Oh. Voilà. Oh, il y a une règle de savoir-vivre. Moi, j'ai appris une règle de savoir-vivre. Comme quoi, on ne doit pas couper sa salade dans son assiette. Ça, tout le monde le sait. Bah oui. Mais avant de devenir une règle de politesse, l'usage avait eu une raison pratique. Et moi, je autrefois, sais. Les personnes aisées se servaient régulièrement de couverts en argent, sujet à l'oxydation. En coupant les feuilles, la lame du couteau était ternie par la vinaigrette acide. La salade était donc précoupée en cuisine. Vous avez... et donc c'est très mal de couper sa salade parce que ça veut dire qu'elle a été mal coupée en cuisine. D'accord. Voilà, merci. Du coup, vous avez un rapport sur l'oxydation, vous avez pas fait le vaccin contre le tétanos, c'est quoi, c'est un message ou un truc comme ça? Ça je le savais. On s'était excuse-moi. Pas consulté. Bon, à toi Julien. Est-ce que vous connaissez, moi je vous connaissais Bob Sinclair. Yeah. Oh. Oui, bien sûr. Ah bah c'est tout bête, mais je vais vous dire pourquoi il s'appelle Bob Sinclair. Parce que bon déjà, si vous savez pas, c'est pas son vrai nom. Son vrai nom c'est Christophe Le Friant et son pseudo est tiré d'un film de Jean-Paul Belmondo. Le Magnifique. De qui? De Jean-Paul Belmondo. Du film Le Magnifique, dans lequel il interprète le rôle d'un écrivain racontant les histoires d'un agent secret, Bob Sinclair. Ah, c'est Saint ça, comme c'est pas mal. Saint Joseph. J'avoue que c'est pas mal. Mais okay. La mienne était aussi. Bon, alors vous pouvez voter hein, sur les réseaux sociaux de Sudekweb, sur la page Facebook Sudekweb. La police? Alerte média. Ah oui. Alerte média. Alors, je finis quand même de dire que vous pouvez voter sur la page de Facebook Studek Web pour élire la meilleure info inutile. Voilà, et donc alerte média, il s'est passé quelque chose. Eh oui, c'est tombé il y a quelques heures. Aujourd'hui, ça va vous plaire, les garçons, info James Bond. Oh. Comme je vous disais, l'info est tombée il y a quelques heures. On est toujours à la page, j'ai envie de vous dire, sur Studek Web. Premier sur l'info. Eh oui, parce que suite à la demande de Daniel Craig... Léa Seydoux, la jeune actrice française, va faire partie du nouveau James Bond. Wow. Mais pour la deuxième fois, si vous savez pas qui c'est, déjà fait. Voilà, Léa Seydoux, elle a notamment joué dans Adèle, il me semble. Alors déjà, on est très fiers parce que qu'une française fasse partie d'une James French Bond. French team. C'est quand même très très classe. Mais surtout, c'est quand même suite à la demande de l'acteur principal. Et comme je vous disais, c'est seulement la deuxième fois dans toute l'histoire de James Bond qu'une actrice va jouer son propre rôle. C'est-à-dire qu'en fait, elle va rejouer... Elle va jouer Léa Seydoux ? Non, en fait, elle va jouer le rôle qu'elle a joué déjà dans le premier James Bond. Ah, ok, d'accord. Et d'habitude, quand les acteurs ont déjà joué une première fois, ils font d'autres rôles. Et ben là, c'est la deuxième fois dans toute l'histoire des James Bond. En clair, c'est la classe, quoi. Ok, bah merci Caro, et ce sera développé dans l'émission de 17h à 18h sur Sudéco. Ah bah évidemment. Plus sans détails, et c'est le moment de jouer. Maison, poisson, hélicoptère, ver de terre, pain, biscotte. C'est chelou un petit peu. C'est le booster. Sur Studek Web. Comme tous les jours, le jeu du booster sur Studek Web, c'est le principe, c'est une minute pour trouver le mot auquel je pense en me posant des questions. Et oui, donc j'ai le droit de répondre que par oui ou par non à chaque fois qu'une proposition est fausse. Le chrono s'accélère, coup de boost. Ah, j'ai fait des mêmes sauts. Alors, je vous rappelle quand même qu'il y a un SPAC Studek Web a gagné avec la tasse, le t-shirt. Les capotes. Il y a tout à l'intérieur. Un très beau cadeau hein, avec la compile aussi Studek Web. Hashtag booster pour vous inscrire et pour jouer avec nous. Vous nous envoyez votre prénom et votre numéro de téléphone sur la page Facebook de Studek Web. Dans un instant, on va faire le dose du jour. Je vous ai demandé tout à l'heure quel a été votre achat de Noël. Si vous étiez team j'achète en avance ou team j'achète à la bourre. Et puis il y aura aussi The Weeknd. Le titre Starboy arrive, The Weeknd aussi, hein, toujours dans les bons coups. Non, si vous aimez pas la musique, c'est bon. Bon, allez, c'est juste après ça sur Studek Web.

c'était trop bien quoi. Le dose du jour sur StudiaQueb. Le dose du jour, et on va enfin savoir si vous êtes plutôt team j'achète mes cadeaux de Noël en avance ou team je suis à la bourre. On sait déjà que Yakaro qui est en avance, bah comme oui, par hasard. Ultra en avance. Et Julien qui est à la bourre. Comme par hasard. Julien, cette année ça s'est passé comment? Bah cette année? Ouais. Bah je sais pas, j'ai pas encore acheté. En fait moi j'ai un peu le syndrome des examens en gros, tu vois, c'est-à-dire que j'attends vraiment le petit stress final, tu sais. Si j'ai pas le petit stress, je me dis ouais pourquoi pas, mais du coup je fais rien, tu vois. Ah, donc t'as vraiment rien commencé. Donc je fais, en général je fais la veille, sauf que là la veille c'est un dimanche. Vu que c'est la veille du réveillon, c'est un dimanche. Donc je vais voir. Et ben, on va demander, on a Simon qui est avec nous. On va lui demander. Salut Simon. Salut. Salut. Alors toi Simon, tu es team quoi? Team à la bourre ou team plutôt en avance? Ah moi je suis plus team à la bourre, je sais jamais quoi acheter aux gens. Tu sais jamais quoi acheter? Un téléphone peut-être? Ouais, c'est ça. Et donc ça finit comment? Du coup, ça finit, bah, j'achète une carte cadeau. Le principe de la carte cadeau. Alors ça c'est extraordinaire. Non, mais c'est vrai que les cartes cadeaux, c'est quand même extraordinaire. Oh, c'est-à-dire que tu te creuses pas la tête, t'arrives, oui, tu fais non, la carte cadeau. Mais, oh là, et les mecs, un cadeau, tu réfléchis. Moi, j'ai passé ma journée hier à faire mes cadeaux, une journée entière, pour juste quelques cadeaux, mais au moins, tu réfléchis. Ouais, mais une carte, c'est trop facile, une carte cadeau. Ouais, mais Simon, ça fait plaisir au moins une carte cadeau quand tu offres. Ah, ça fait plaisir, je sais pas trop, tu vois. Ah oui. Ça dépend où tu l'as choisi, quoi. Tu l'as choisi. Mais toi, tu choisis dans des grandes enseignes, des trucs comme ça. Je choisis dans la première enseigne qui arrive. Allez. Ah oui, ça. Simon, c'est vraiment la galère totale, quoi. Il prend. Ou sinon, tu fais comme le grand-père, tu fais un chèque. Tu vois. Ah, oui. tiens, mon fils. C'est ça. Il y a aussi la technique de l'argent. T'offres de l'argent des fois, toi? Ah non, j'offre pas d'argent, moi. Non, jusqu'à. Il y a un an en plus. Ok, bah merci d'avoir été avec nous, Simon. Et puis, bah, bons achats de Noël, bonne carte cadeau. Merci. Caro, toi. Alors, toi, là, on avance. Ah bah... Mais toi, c'est la fille parfaite. Non, mais n'importe quoi. Non, j'ai tout fait hier. J'ai passé genre de 10h à 18h à faire tous les cadeaux pour les petits. Ah, t'as fait hier, toi? Ouais, j'ai fait hier et j'ai fait pour mes parents sur Internet. Je suis devenue une pro d'Internet. La meuf, elle découvre Internet. Non, c'est extraordinaire. J'ai découvert Internet. Il y a quoi de pro d'avoir Internet? Bah, en fait, c'est génial parce que t'as tout moins cher. Genre, j'ai tout eu à moins 70%. Ah bon, quelle belle découverte. Ouais, Non, mais vous êtes vraiment. Mais en tout cas, moi, mes cadeaux, ils sont faits et j'ai même acheté des cadeaux pour vous hier. Je vous donnerai ça dans quelques semaines. Oh, c'est gentil. Bon, on verra ça. Il y a Jean qui est avec nous aussi. Salut Jean. Salut tout le monde. Bon, alors toi, t'es team quoi? Ah, moi je suis team très en avance. Hein. Très en avance, c'est vrai? Alors comment tu procèdes, dis-moi? Bah, moi en fait je fais mes courses le 26 décembre. C'est-à-dire que il y a des moins 50, moins 70% dans tous les magasins et comme ça j'ai mes cadeaux pour l'année d'après en fait. Ah, mais énorme! Le gars va le 26 décembre et donc t'achètes tout le 26 décembre comme ça t'es. Ouais, mais y a tout parce qu'il y a tous les restes de Noël. Ils font donc plein de promos et tout. Donc t'as des bijoux, des habits à moins 70% et donc j'ai les cadeaux pour l'année d'après quoi en fait. Ah, c'est trop une bonne technique ça. Ah, t'as vu? T'as les cadeaux pour l'année d'après? C'est-à-dire ouais, bon après si la personne meurt entre-temps, c'est un peu bordel, Non mais attends, comment ça va? Genre là, les cadeaux que tu as là, le 24, c'est ceux de l'année dernière. Exact, ouais. Oh, l'horreur. Mais ça va pas. Vas-y, mais ça va. Ça dépend, parce que si t'offres par exemple une PS3 ou une Xbox et que y a l'autre qui sort dans l'année. Oui, là, ça galère. Ouais, mais il y a des cadeaux, si tu t'en fiches, tu peux l'aller faire avant. Si t'achètes des vêtements, la personne perd 10 kilos en un an, tu fais quoi? Et si t'offres à manger aussi des chocolats, ils vont fondre entre-temps. Calme-toi parce que je pense qu'il voulait l'offrir ça à ses parents, mon ami. Et bah écoute, Jean, merci d'être avec toi. Et puis bah bon achat de Noël le 26, quoi. Merci à vous, les filles. Allez, salut, Jean. Bon, et ben merci. Donc, comme quoi, c'est un peu partagé, hein. 50-50, c'est vraiment 50-50. Ouais. Bon, allez, c'est le moment de jouer et de gagner un pack StudiQueb. Je vous rappelle que vous pouvez gagner le pack StudiQueb avec la tasse, le t-shirt, la compile StudiQueb et pour Julien, les capotes, bien sûr. Je vous rappelle le principe du jeu. Une minute pour trouver le mot auquel je pense en me posant des questions. J'ai le droit de répondre que par oui, que par non. Donc, inscrivez-vous. Hashtag booster pour vous inscrire et jouer avec nous. Vous nous envoyez votre prénom et votre numéro de téléphone sur la page Facebook de StudiQueb. Il y a les infos du vrai faux qui arrivent. Oui. Ouais. Avec Julien et Caro. Et puis au niveau de la musique, il y aura Anna Kamara. Bien dire, j'ai même pas voulu. Son nom est écorché, j'ai même pas voulu le faire. Aya Nakamura avec Copine. Et ça arrive juste après ça. C'est bientôt Noël et justement à 15h sur StudiQueb, c'est Lucas qui prend les rênes de StudiQ Borderline et comme tous les jours, plein de cadeaux à gagner et à mettre au pied du sapin dans les poupées russes en s'inscrivant sur le Facebook de StudiQueb. Annaëlle vous parlera d'une série aussi qui a marqué sa vie. Vous découvrirez un chanteur sénégalais, Dr Lass, et Thomas a fait un petit sondage concernant les téléphones portables. C'est assez troublant. StudiQ Borderline avec Lucas, Thomas et Annaëlle, c'est de 15h à 16h sur StudiQueb. Ah ouais, mais non, c'est pas ça les infos. L'info du vrai faux, c'est sur StudiQueb. L'info du bref, c'est sur Sudek Web et c'est surtout avec Julien et Caro. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui ? Alors, international, la Chine part à l'assaut de la face cachée de la Lune, celle qui nous tourne constamment le dos. Le samedi 8 janvier, la Chine lancera son matériel robotique. La classe de l'école maternelle Robert Schuman de Mulhouse est déjà sollicitée pour construire cette machine. Football, un ancien joueur du club allemand Leverkusen a avoué que sa femme faisait à sa place certains tests d'effort. Je cite, « Comme ma femme est très sportive, elle a fait fonctionner le chrono quelques fois sur le vélo épileptique. » Il avoue également qu'elle aurait pris à sa place la douche avec tous ses coéquipiers. Musique, Jules fête son nouvel album en lançant un concert au Vélodrome en juin prochain. Il s'agirait d'un album remix de tous les chants anti-mitroglu. Société, en 2018, Friends est la série la plus citée sur les profils Tinder. Et la musique la plus citée est Parle à ma main de Fatal Bazooka. Le sport, hier, a commencé la troisième coupe du monde de foot-golf à Marrakech, compétition qui dure une semaine. Le principe étant de taper dans une balle de foot avec autre chose que le pied, le favori de cette année est Olivier Giroud. Politique, le président de la République Emmanuel Macron devrait sortir du silence et s'exprimer ce soir à 20h suite à l'affaire des Gilets jaunes. Il devrait annoncer que les Gilets jaunes et triangles rouges sont obligatoires derrière la glissière de sécurité. People, c'est une Mexicaine qui a été élue Miss Monde ce week-end. La Française Maïva Cook échoue aux portes du top 5 et se prépare maintenant à rendre sa couronne de Miss France samedi prochain. C'est ce qu'on appelle bien finir l'année pour Maïva Cook. Musique, c'est Emma atteinte d'une maladie grave qui remporte The Voice Kids cette année. Pour rappel, la petite est atteinte d'une maladie qui la rend aveugle au fur et à mesure du temps. Ben bravo elle. Bah ben, voilà. C'est vrai, bon ben. Merci. L'info du vrai faux, c'est terminé. Merci Julien et Caro. Dans un instant, tu vas nous parler de comment lutter contre la fatigue, c'est ça. Julien. Mais juste avant, c'est Aya Nakamura, et cette fois je le prononce bien, qui arrive avec Copine sur Studek Web. Bon début d'après-midi. Sur Studek Web, vous êtes dans le coup de boost avec Julien et Caro, et 14h35, c'est le début de l'après-midi, c'est un peu le coup de fatigue. Ouais. Et attention, tu vas nous en parler tout après. Later, Studek. Studek. Studek. Une école, une radio et vous. Later, bitches. 100% nouveaux talents. Et du coup, justement, j'en parlais, la fatigue, tu vas nous en parler, Julien, ouais, puisque toi, t'as des petits remèdes contre la fatigue, 14h35, là, c'est la sieste. Hein. Ouais, c'est ça, surtout de 1, et puis en plus, l'hiver approche, et qui dit froid, dit aussi fatigue, et un Français sur deux se déclare fatigué. Oui, voilà, ouais, bah, opération un peu bizarre. Ah, oui. Alors, la cause numéro 1 de la fatigue, c'est pas forcément le manque de sommeil, c'est le travail aussi. Il y a une évolution dans la semaine, en début de semaine, le lundi, comme aujourd'hui, ah, oui, d'après les études toujours, la fatigue est principalement due à un manque de motivation et de mauvaise humeur. Ah oui. Donc voilà, mais, début de semaine. Mais nous on est toujours heureux d'être là. Oh. Julien, enfin. Nous ouais. Pour retrouver les gens pour. Mais Caroline non. Caroline. Et en fin de semaine, le vendredi, cette fatigue est plutôt due à un manque de concentration et des courbatures, donc dégradation mentale et physique normale, classique. Normal. Sinon autre cause, le stress, la dépression, une ou bien une convalescence après tu sais un rhume ou une grippe, ouais, un peu comme toi quand t'étais malade. Ouais. Ça va. Alors, beaucoup mieux. Bah, je vois ça. Alors comment lutter contre cette fatigue ou du moins comment être le moins fatigué possible. Ouais. Alors d'abord, je vous propose le ginseng. Le quoi ? Le ginseng. Je sais pas ce que c'est. Bah, c'est une plante qui est dynamisante et adaptogène. Alors qu'est-ce que c'est adaptogène ? Ça veut dire que ça aide l'organisme à s'adapter aux différents stress. Donc les stress tu sais, qu'on apporte, c'est comme quand tu fais de la musculation, ça apporte un stress aux muscles. Et ben là, la fatigue apporte un stress au corps. Et donc ça aide à la concentration, à la mémoire et ça stimule le système immunitaire. On en trouve sous forme d'ampoules, de gélules ou carrément la racine. La racine séchée. Tu mords la racine. Le ginseng. Pourtant, je suis surpris, je pensais que Caroline, t'allais connaître le ginseng. Bah non, mais ça m'étonne que tu connaisses ce genre de truc, tu vois. Cultivez-vous, Julien. Ouais, je me suis renseigné. Julien devient tout zen. Zen, non, mais cultivé, oui. L'huile essentielle aussi. J'ai une info, apparemment, c'est aphrodisiaque. C'est ce qu'on vient de me dire. C'est pour ça qu'il connaît. On vient de me le dire dans le casque. C'est aphrodisiaque. C'est pour ça que c'est antifatigue du coup. Donc après, il y a aussi l'huile essentielle de menthe poivrée. Donc effet revigorant instantané. C'est-à-dire que c'est rafraîchissant et ça tonifie directement le système nerveux. Donc forcément, ça se consomme sous forme de gouttes à mettre sous la langue ou dans une cuillère à café de miel. Ah oui. Comme le médicament, les chiens, tu mets dans la bouffe pour que ça passe mieux. Comme les chiens. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, tu mets les médicaments dans les croquettes pour que ça passe mieux. Très bonne astuce. Ouais, mais ça c'est quand c'est dégueulasse souvent. Alors que c'est bon, c'est bon, poivré, c'est cool, bon, tu vois. Ensuite, pour un traitement plus de fond, il est intéressant de viser les glandes surrénales. Pourquoi ? Alors les glandes surrénales, c'est ce qui est situé au-dessus des reins. Ah. Et en fait, ça envoie des hormones, de nombreuses hormones qui aident à produire de l'énergie. Donc on va les viser ensemble derrière ces glandes. C'est très technique. Hein. Et pour les viser, on va utiliser des bourgeons de cassis. Des extraits de bourgeons de cassis sous forme de gouttes. Ils utilisent beaucoup trop de plantes dans sa vie. Ah, mais c'est super bien. Non, mais attendez, on s'ouvre un petit peu. Oh là là. Et selon pour une cure aussi plutôt hivernale et notamment après une convalescence due au rhume ou une grippe, c'est sympa de prendre de la gelée royale. Alors qu'est-ce que c'est la gelée royale ? C'est ce qui est produit par les abeilles ouvrières, c'est-à-dire ils n'ont pas recours au pollen ni au nectar, et c'est la nourriture de la reine. Donc voilà, c'est riche en vitamines, en oligo-éléments, et ça aide à se ressourcer et refaire des réserves pour affronter l'hiver. Eh bah oui, les abeilles font toujours des bonnes choses pour le corps humain, ça se sait. c'est vrai. Protégeons-les. Bon, après s'être détendu, merci Julien, après s'être détendu comme ça, on va se détendre en musique, avec la rubrique musicale, focus dans les bacs. Allez, fais tes bagages, viens rejoindre tes amis. Toutes les musiques sont sur Studek Web. Focus dans les bacs sur Studek Web. Le focus dans les bacs, c'est avec Caro et je crois que tu vas nous parler de Louane. Exactement, bah tu l'as dit, vous allez sûrement la reconnaître ou pas d'ailleurs, si vous n'aimez pas, parce que c'est Louane. C'est le jour 1, celui qu'on retient. Drôle. Non mais attends. En fait, j'ai niqué ton lancement, quoi. C'est ça. C'est, du coup, en fait, je m'attendais pas à ça. Du coup, je ne sais pas. Enfin, voilà. Bah, c'est l'histoire de notre vie. Un peu de répartie. Prends du ginseng. Alors, jour 1 que vous entendez derrière moi, c'est l'un des premiers succès de Louane qui a été un véritable carton, puisque ce titre en est à 73 millions de vues. Ouf. La petite chouchoute des Françaises fait clairement l'unanimité auprès du public depuis maintenant des années, puisqu'on se rend pas compte, mais nous avons tous connu Louane grâce à. On était beau. Le film. Mais non. Bah si, The Voice. On était beau. Grâce à The Voice. Mais moi, je l'ai vraiment connu grâce à film, La Famille Bélier. Alors, avant La Famille Bélier, elle a fait The Voice. Ouais. Elle a participé au télécrochet durant la deuxième saison. Donc, il y a déjà plus de 4 ans. Le public a directement accroché avec elle. Louane, c'est un peu l'artiste des familles, appelée autant aux enfants qu'aux mamans. Et c'est là que Louane a tout gagné. Elle séduit en tant que chanteuse, mais comme vous l'avez dit, aussi en tant qu'actrice, notamment pour Pierre, apparemment. Eh oui, bah, moi je suis plus cinéma que télé. Voilà, parce que l'un de ses plus grands tubes reste la reprise de Michel Sardou, Je vole. Mes chers parents, je pars. Oh, c'est beau. Je vous aime, mais je pars. C'est moi qui crie piano. Vous n'aurez plus d'enfants. Alors, ce titre. Ah, on est... se serait passé par contre. je sais que vous adorez quand je chante. Ce titre est issu du film La famille Bélier, l'un des rares films devant lequel j'ai pleuré. Aujourd'hui, oh. Louane a grandi. Comme diraient les plus anciens, et ça se voit car elle revient avec un titre avec de nouvelles sonorités. Genre, t'as pleuré que devant La famille Bélier. Sincèrement, ouais. Bon, non, elle fait si. La dure là. Non, je crois bien. Qu'il n'y a pas d'autres films. Non, je crois qu'elle. Bref, on s'en fout. Vas-y, elle prend ton temps, réfléchis. Hein. On est sur Louane et moi aujourd'hui, je vais vous faire découvrir son nouveau titre qu'elle a partagé avec Julien Doré. C'est Midi sur Novembre, donc c'est maintenant sur Studek Web. Il est midi sur Novembre et le soleil peut t'attendre. Que j'ouvre un peu les yeux sur toi. Je me fous de ce que tu penses. Moi je parle à l'évidence. Nous ne passerons pas l'hiver cette fois. Il est midi sur Novembre. Je t'ai perdu dans la chambre. La pire en temps désert. Crois-moi. J'ai déposé des cendres dans le cendrier des anges. J'irai revoir la mer sans toi. We'll be fine, we'll be fine, I guess. We'll be fine, we'll be fine, I guess. We'll be fine, we'll be fine, I guess. Il est midi sur Novembre. Et Dieu sait que je tremble. Tu dois te réveiller sans moi. Il est midi sur Novembre. Nous ne partirons pas ensemble. Mon cœur a décidé pour toi. We'll be. Et le soleil peut te prendre. Que j'ouvre un peu les yeux sur toi. Il est midi sur Novembre. Nous ne partirons pas ensemble. Ton cœur a décidé pour moi. Sur Novembre. Bah non, il est 14h45 en décembre. Oh non, mais quel lourd. Voilà. Ouais, voilà, fait que la fasse, j'ai pas toute la chanson. On finit comme ça. Bon, merci Caro de nous avoir fait découvrir Louane qui jouait dans La famille Bélier. Et justement, oui. elle joue au cinéma et vous allez pouvoir jouer avec nous dans quelques minutes, dans moins de 5 minutes. On vous offre un pack Studek Web pour jouer au booster avec nous. Hashtag booster pour vous inscrire, c'est les derniers instants là. Hein. Dans moins de 5 minutes, on joue avec vous. Vous nous envoyez votre prénom et votre numéro de téléphone sur la page Facebook de Studek Web. Et il y a un pack, il y a quoi dans le pack, Julien? Il y a le t-shirt, la tasse, le stylo. Et les préservatifs. Évidemment. Protégez-vous, sortez couverts. Sortez couverts. C'est un message. Merci Julien. Donc inscrivez-vous. Hashtag booster, je vous rappelle, sur la page Facebook. Il y a le répondeur qui arrive. On vous écoute. On écoute tous vos messages que vous nous laissez sur les réseaux sociaux. Et puis il y aura aussi The Prince Karma. Hello bitches. Ça, c'est trop bien ça. Ouais. Later bitches, on a toujours pas su vraiment ce que ça voulait dire. Si. Enfin, on a compris. Ah oui. On comprend un mot sur deux, mais vraiment l'expression en général, il vaut mieux pas savoir. Si, c'est si, mieux. Je sais. Non, c'est mieux. Tous vos tubes préférés sont sur Studek Web. Love. une radio. Des hits. Du kiff. Dans moins de 5 minutes, oh oui, tac, ça coupe quoi. Dans moins de 5 minutes, ouais, on joue avec vous au coup de boost. Et j'ai oublié tout à l'heure de donner les résultats pour l'info inutile, la pire info. Eh bien, c'est Julien qui a gagné. Il a été élu par les... Merci. C'est quoi, je suis content. Merci pour Eman, merci pour cette réaction. On écoute vos messages. Salut le coup de boost, c'est Sabrina, c'est mon anniversaire aujourd'hui, donc bon, un petit message, des petits bisous, ça me ferait bien plaisir. Merci à toute l'équipe. Hello la team, je vous écoute tous les jours dans la voiture en allant au boulot et à chaque fois que je suis bloqué dans les bouchons, eh ben, je suis hyper heureux de vous avoir parce que sinon je me ferais vraiment chier. Allez, merci. Oh là là là là, c'est vraiment trop injuste. Bon ben, merci. Alors déjà, merci à Calimero de nous avoir laissé. Ah, c'était ça. Je crois que c'était une vraie voix d'un mec loin du téléphone. C'est-à-dire que même les dessins animés nous laissent des messages. Donc, c'est parti. Donc on dédicace Sabrina un oui, très bon anniversaire. Joyeux anniversaire. Bon anniversaire à elle. Elle nous a pas dit quel âge elle avait, donc je sais pas. Bah, ouais. L'âge d'une femme, ça ne se demande pas. C'est vrai. On dirait qu'elle avait 22 ans. Oh, elle était belle. Bon, bon anniversaire à elle. Et du coup, on a un auditeur avec nous au téléphone qui voulait, je crois, nous réagir sur quelque chose. C'est Azem qui est avec nous. Salut Pierre. Salut, oui. Salut tout le monde. Salut toute l'équipe. Oh. Salut Julien. Salut Azem. Bon alors toi, pourquoi tu nous appelles? Bah alors, en fait, mon problème, c'est que je suis dentiste. Ouais. Tu sais, en tant que dentiste, tout le temps, tu sais, tu sens pas très bon de la bouche parce que t'en vois souvent des bouches, en fait. Effectivement. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois que je sors un paquet de chewing-gum, ouais, tout le monde me le taxe, en fait. C'est tellement vrai. Mes patients aussi me taxent mes propres chewing-gums. Du coup, forcément, je pue moi aussi un petit peu de la bouche. En tant que dentiste. En plus, en tant que dentiste, toi, t'es vraiment proche des patients. C'est pareil, les deux. Donc, c'est-à-dire qu'il y a le patient qui pue de la gueule. Exactement. Et toi au-dessus. Ça fait, tout le monde est content. Microbes. Ouais, c'est l'aura, franchement. partage de microbes, tout ça. Hein. Bah, Azem, tu sais quoi, moi, je te comprends. Parce que moi, quand j'étais en cours, c'était pareil. J'achetais plein de chewing-gum. Et dès que j'arrivais en classe. Attends, Dixit, le gars qui taxe le plus au monde. Ah ouais, maintenant. C'est-à-dire que le gars, à chaque fois qu'il vient en soirée, il dit oui, tu peux me faire un bouffer, t'as pas des pâtes. Ouais, mais justement, c'est parce que je t'ai taxé. Parce qu'à force d'être déçu, on déçoit, tu vois. Voilà, mais c'est comme les paquets de cigarettes en vrai, c'est l'horreur. C'est vrai. Ouais. Dès que t'en as plus que deux, t'es là, ouais, je sais pas si je vais te la passer, ouais, en fait, c'est un peu cher, tu vois. C'est vraiment l'horreur. C'est clair. C'est clair. Non mais écoute, je ne sais pas, je n'ai aucune solution à ton problème. Arrête de sentir mauvais. Change de métier peut-être. Non, plante tes chewing-gums. Bon, merci de nous avoir appelé, Azem. Pas de soucis, merci toute l'équipe d'Écoute Boost, vous êtes géniaux. Merci à toi, salut. Et c'est le moment de jouer avec vous pour gagner un pack Studek Web. Maison, poisson, hélicoptère. Vers de terre, pain, biscottes. C'est chelou un petit peu. C'est le booster. Sur Studek Web. Le jeu du booster sur Studek Web, c'est maintenant. Il y a un pack Studek Web à gagner, je vous rappelle, avec le t-shirt, la tasse, les préservatifs, la compile Studek Web. Il y a tout ça pour vous. C'est simple, il faut jouer avec nous et deviner le mot auquel je pense. Et pour ça, il y a Robin qui est avec nous. Salut Robin. Salut Pierre, salut tout le monde. Salut. Hello. Robin. Alors toi, tu es dépanneur d'imprimantes, c'est ça? Exactement, ouais. Donc si vous avez une galère d'imprimantes, je suis là. Et ben, je ne te cache pas qu'ici, c'est un peu la galère de temps en temps parce qu'on a beaucoup de papier à imprimer. Donc si on pouvait t'embaucher éventuellement, voir, parce que Très cher, par contre. Les instances donc, ici et puis j'arrive pas à imprimer en couleur, je sais pas ce qui se passe. Enfin bref. Bon, tu vas jouer avec nous au jeu du booster. Est-ce que tu es prêt? Je te rappelle la règle, une minute pour trouver le mot auquel je pense. Okay. Le thème c'est Noël parce que c'est la semaine de Noël, donc le thème c'est Noël aujourd'hui. J'ai le droit de répondre que par oui ou par non. Est-ce que tu es prêt, Jérôme? Alors c'est Robin. Robin. J'ai dit Jérôme. Je sais pas pourquoi j'ai dit Jérôme. Est-ce que tu es prêt, Robin? Je suis navré. C'est bon, t'inquiète, vas-y. Allez, c'est parti pour toi, une minute. Alors du coup, est-ce que c'est dans le salon? Ça peut. Ça peut être dans le salon. Est-ce que on peut, c'est au mur, genre? Oui, ça peut. C'est des guirlandes? Non. Des guirlandes. Attends, qu'est-ce qu'on peut mettre? Des Noël, un sapin, non, c'est pas juste un sapin. Non. Des boules, non. Ça se mange. Ça se mange. Ça se mange. Des chocolats, des. Non, un mais. Calendrier. Oui, oui, un calendrier de quoi? Un calendrier de l'avant. Oui, oui, c'est gagné, mon frère. Super. Génial, Robin. Le pack Studek Web pour toi. On a eu peur. Merci l'équipe. Et ben merci à toi parce qu'on a eu peur au début, c'était chaud, il y a eu deux buzzers mais t'as quand même retrouvé. Ben ouais, tu vois, parce que moi j'en ai plusieurs des calendriers de l'avant, du coup voilà, j'étais un petit peu perdu. Super, et ben écoute, je te remercie Robin, le pack Studek Web pour toi, le t-shirt, la tasse, les préservatifs, la combi Studek Web, tout ça pour ça, n'hésitez pas à vous inscrire avec le hashtag booster pour jouer avec nous toute la semaine. Merci beaucoup Robin d'avoir été avec nous. Salut l'équipe. Allez, salut. Bisous. Robin, ciao. Allez, faut se lever, c'est l'heure du coup de boost. Le deuxième réveil de la journée. De 14h à 15h sur Studek Web. Ah bah tu vois, c'était pas si compliqué. Le coup de boost, on va se retrouver demain avec Caro et Julien. Et oui, c'est fini. Et il y a Lucas qui s'est installé. C'est moi, bonjour tout le monde. Bonjour, quelle voix. Ah, je sais, je suis un peu malade du coup. Quel charme. Bon, alors Lucas, toi tu prends la suite avec Studiac Borderline à partir de 15h. Exactement, avec Anaël et Thomas, mes deux confrères. Yes, notamment le jeu des poupées russes. Il y a aussi un pack Studiac Web à gagner. Avec en plus avec une enceinte Bluetooth. Avec en parce plus qu'on une est Noël. Et... Oh là là, voilà, oh on veut faire plaisir aux gens. On sera enseigné. On sera déjà dans une messe un peu dans. Avec mes confrères. Je suis pro. Bon, donc du coup, ouais, tu dis le jeu des poupées russes. Il y a Anaël qui va nous parler d'une série, je crois. Mais exactement. Mais c'est surprise. Ouais, c'est surprise. Dire. C'est sa petite série à elle. Bon, très bien. Et tu prends avec nous. Nous, eh ben, on va se dire à demain, Julien. À demain. À demain. Parce que bah, toi, t'as déjà fait tes cadeaux de Noël, bah, donc t'as oui. plus rien à faire. Bah, donc là, tu vas, là, tu vas chez toi. Non, bah, je vais vous faire des câlins. Ok, super. Elle va faire des câlins. Et puis, bah, Julien, toi, bah, il faut peut-être. Moi, j'ai mangé les gâteaux déjà. Faut peut-être, faut peut-être se grouiller. Ouais. Ouais. Aucune réaction. Non. Ouais, ouais, bah ouais. Donc ouais, il y a vraiment non, tu vas pas faire tes cadeaux. Non, pas encore. Donc, j'attends le gars sera à la bourre. J'attends le 24. Le mec attend le 24. Bon, ben bah, je vous souhaite une bonne après-midi sur Studiac Web. Bonne soirée. Ah, un bon après-midi, une bonne après-midi, je crois qu'on peut dire les deux. Salut, salut. À demain. Ciao. Sur Studiac Web.